Vous écoutez France Culture. Émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire dans le cadre de cette journée santé de France Culture en direct de l'hôpital Saint-Louis de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Une émission spéciale tout de même rattachée à notre thème de la semaine, à savoir l'histoire des marchés, puisque nous allons y traiter du marché des médicaments, donc du Moyen-Âge à nos jours. Peut-on d'ailleurs parler de marché du médicament pour les apothicaires du 14e ou 15e siècle? Les apothicaires sont-ils d'ailleurs les seuls à préparer à l'époque des médicaments? Quel est le rôle des femmes dans la conception des remèdes? À partir de quand prend-on en compte le risque sanitaire ou le risque d'empoisonnement? À partir de quand peut-on parler d'un marché moderne du médicament? Depuis quand l'État s'intéresse-t-il au contrôle des vrais et des faux médicaments? Sous quelle forme distribue-t-on d'ailleurs ces mêmes médicaments? C'est ce que nous verrons avec nos trois invités. Danielle-Alexandre Bidon, elle est historienne du Moyen-Âge et plus particulièrement de la vie quotidienne médiévale. Elle est membre du groupe d'archéologie médiévale du Centre de recherche historique de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle est auteure l'an dernier, après un travail de 5 ans environ, de « Dans l'atelier de l'apothicaire, histoire et archéologie des pots à pharmacie du 13e au 16e siècle chez Picard ». Nous serons également avec Sophie Chauveau, qui est professeure d'histoire des sciences et des techniques à l'Université technologique de Belfort-Montbéliard. Vous êtes en duplex depuis d'ailleurs les studios de Belfort de Radio France et nous remercions qu'il vous accueille justement aujourd'hui. Auteur d'une thèse sur l'invention pharmaceutique publiée en 1999 aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond et d'un livre sur l'affaire du sang contaminé aux belles lettres. Et enfin, Christian Bonin est également avec nous. Il est professeur d'histoire des sciences à l'Université de Strasbourg et vous avez co-dirigé avec Anne Rasmussen Histoire et médicaments au 19e et 20e siècle aux éditions Glyph. Vous êtes en duplex avec nous depuis Strasbourg. Alors nous allons commencer avec vous. Bonjour Danielle-Alexandre Bidon. Merci d'être avec nous donc, dans ce hall de l'hôpital Saint-Louis à Paris pour cette journée spéciale de France Culture. Vous êtes celle qui travaillait parmi nos trois invités sur la période la plus lointaine de nous, à savoir le Moyen-Âge. Et vous dites bien d'ailleurs que ce Moyen-Âge tel qu'il a été envisagé en particulier par le 19e siècle, on connaît les travaux entre autres, pas simplement de Christian Amalvi ou d'autres, sur le goût du Moyen-Âge à l'époque du 19e siècle, à l'époque romantique en particulier. Ce 19e siècle a réinventé une sorte de Moyen-Âge qui lui convenait et que nous sommes tributaires de cette réinvention et qu'il faut absolument, dans le domaine justement de la pharmacie, des apothicaires, s'en détacher. Pourquoi faut-il s'en détacher de cette vision 19e siècle, justement, Danielle-Alexandre Bidon ? Il faut s'en détacher parce que nous savons désormais, grâce à l'archéologie, qu'il existait beaucoup d'autres objets, beaucoup d'autres témoignages de la santé, mais pas seulement, que ce qui est conservé dans les musées. Ce qui a été conservé dans les musées, ce sont les beaux objets. Les beaux objets, ce sont les objets les plus prestigieux, ceux qui témoignaient plutôt de la ferveur princière pour les soins de santé, qui étaient déjà considérés comme une preuve de bon gouvernement. C'est la police de la ville et la police de l'État passent par le soin de santé. Mais ces beaux objets ne sont pas seuls comptables des pratiques de santé. Il y a tous les petits pots que l'on trouve chez les particuliers, mais que l'on ne peut trouver que par les fouilles archéologiques. Et donc, on a une toute autre image de la pharmacopée qui apparaît à travers l'archéologie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes spécialiste de l'archéologie, je l'ai dit, à l'École des hautes études en sciences sociales, que vous travaillez sur la vie quotidienne et que vous avez, avant de vous intéresser à cette histoire des pots à pharmacie, des apothicaires, vous êtes intéressé au domaine de la vie quotidienne et de la cuisine en particulier. Et tout compte fait, vous nous dites, dans ce livre qui est paru donc, l'année dernière chez Picard, en fait, on a souvent fait la confusion entre ce qu'on trouvait dans le domaine de la cuisine sans vraiment chercher autre chose et ce qu'on trouvait dans le domaine de la pharmacie. C'est-à-dire, en gros, on conservait de très beaux objets pour leur qualité esthétique et on les mettait dans des musées d'histoire de la médecine ou de la pharmacie d'un côté et de l'autre côté, toute cette cuisine vulgaire, cette céramique vulgaire, entre guillemets, eh bien, on disait que c'était pour la cuisine et point barre. Or, vous dites non, c'était aussi pour la pharmacie. Il y avait tout type d'outils qui nous permettaient justement, qui permettaient à des apothicaires du 14e ou du 15e siècle en Europe eh bien, de fabriquer des médicaments. En effet, les cuisiniers font partie prenante du personnel de santé. D'abord parce qu'ils collaborent dans les châteaux, par exemple, au niveau ducal ou princier, avec les apothicaires privés des princes ou des puissants. Et ils sont en mesure de fabriquer ou d'aider à fabriquer les médicaments. Les apothicaires leur ont d'ailleurs emprunté tous leurs ustensiles de cuisine. Pour faire des pilules, il faut des poêles à frire. dire, tout simplement. Et donc, il y a tout ce que nous trouvons dans les fouilles peut faire partie des soins de santé. Il en est de même des objets alimentaires. On fait des produits de santé avec des petits pâtés, ce qu'on appelle les pastilles, avec des œufs. Alors, les pastilles, ça vient de petits pâtés, en fait, c'est ça ? Oui, absolument. Ce sont des petits pâtés. Donc, les principes curatifs sont enclos dans une croûte de pâte qui fait fonction, en quelque sorte, de mini-four hein, et qui sublime leurs vertus. Et donc, énormément de produits sont faits avec des objets de la vie quotidienne. Il est très difficile d'arriver à faire le départ lorsqu'on est sur un chantier de fouilles dans une immense cuisine, quelquefois, comme on en trouve désormais. Il est très difficile de faire le départ entre apothicairie et cuisine. Il faut dire aussi qu'on n'a pas considéré les éléments culinaires de l'apothicairie ou de la médecine comme tels, parce que la cuisine, depuis toute antiquité, c'est un métier ignoble. Encore au XIe, XIIe siècle, les grands clercs d'église le traitaient de métier ignoble. Et alors que l'apothicairie a eu tendance à se hausser du col, et à rejoindre la médecine, en tout cas à espérer pouvoir la rejoindre un jour, et à apparaître comme un métier noble. Et donc tout ce qui était ignoble finalement dans le métier d'apothicaire a été mis de côté. Mais il faut en tenir compte. Il n'y a pas que le mortier dans la préparation. On a l'impression que les fouilles récentes dont vous faites le compte dans ce livre l'année dernière, les fouilles récentes ont profondément renouvelé le regard que vous avez porté justement sur cette histoire du médicament, qu'il fallait donc déjà réfléchir à cette proximité entre cuisine et apothicairie, mais qu'il faut réfléchir à la totalité, repenser, pourrait-on dire, la totalité de ce que nous croyons savoir sur l'apothicaire médiéval, Daniel Alexandre Bidon. Et notamment le packaging. Donc ces médicaments, une fois fabriqués, une fois composés, ils sont enclos dans des pots de pharmacie qui sont de diverses matières. Et ce, en correspondance avec la très célèbre théorie des humeurs qui va durer très longtemps, bien au-delà de ma période. Il faut donc, suivant les remèdes, choisir soit des pots en terre cuite, et quelquefois en terre cuite vitrifiée, de manière à ce que les produits ne traversent pas la paroi, ne puissent pas être imbibés de l'air ambiant, des miasmes, ou même simplement ne puissent pas être un danger pour l'environnement. Il faut quelquefois les boucher, d'autres fois ne pas les boucher, on peut les laisser ouverts, en l'occurrence. Exactement, vous expliquez les laisser sécher en sachet. Il faut quelquefois des objets en étain, des objets qui soient vraiment opaques et absolument imperméables, et quelquefois même de la porcelaine, même au XVe siècle, on commence à utiliser des objets en porcelaine naturellement au niveau d'un luxe princier, pour enclore les médicaments aux vertus les plus puissantes et donc qui ne doivent pas perdre de leur force. Alors, ce qui est très étrange et ce que j'ai découvert en vous lisant dans l'atelier de l'apothicaire, Daniel et Alexandre Bidon, c'est que par exemple, les apothicaires médiévaux avaient déjà des dates de péremption. J'étais très étonné de cela. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déterminé de façon... Alors, est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est aléatoire? On avait déterminé que, par exemple, bien certains médicaments avaient une durée de vie et donc d'efficacité d'une centaine d'années, un siècle, donc au-delà de la vie d'un seul homme, que d'autres étaient en fait des médicaments qui ne pouvaient durer qu'une année, d'autres 40 ans. Le camphre, je crois, c'est 40 ans. Donc, on avait, de façon aléatoire ou scientifique, déterminer la durée de péremption d'un médicament. Une très longue expérimentation finalement a eu lieu depuis l'Antiquité. Les premiers textes qui ont servi aux médecins et aux apothicaires médiévaux sont des textes antiques. Donc on a par exemple Galien, on a Pline, et déjà on trouve effectivement des mentions de la durabilité des produits. Et puis avec l'école de Salerne, entre la fin du Xe siècle et le XIIe siècle, donc grande école médicale, donc italienne, mais qui a eu une influence considérable sur la totalité de l'Europe, et notamment grâce à un best-seller qui est le livre des simples médecines de Matthäus Platearius. Et donc, ce livre est classé par ordre alphabétique de produits. Chaque denrée, chaque produit, chaque simple, donc produit non encore composé. Qu'est-ce qu'on appelle une simple alors, ou un simple? Alors, c'est un produit qui est pris en tant que tel et qui n'a pas encore été mêlé à d'autres médicaments, qui n'a pas encore subi une autre cuisson qui le transforme, qui modifie sa complexion, sa structure. Et donc, chaque denrée, en fait, est analysée et pour chaque denrée, Platearius donne le taux de péremption. Donc, effectivement, comme vous le disiez, le camphre 40 ans, mais le miel 100 ans. Et effectivement, une fois durci, il doit pouvoir durer quasi éternellement. Mais il faut dire aussi que les mêmes durées de péremption sont connues pour la cuisine. Des cuisiniers peuvent donner aussi des durées de péremption pour des produits comme le poisson, dont ils disent qu'ils sont imputrescibles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi se poser, dans cette période médiévale, des questions qui seront posées à d'autres périodes, donc qui vont succéder à la période du Moyen-Âge, et en particulier de savoir qui a le droit ? Qui fait le médicament ? Alors, par exemple, on pensait qu'il y avait des apothicaires, que ces apothicaires donc, devaient avoir des diplômes particuliers, mais vous expliquez bien que quand on est dans un village, dans un hameau, très loin de la plus proche apothicairie, eh bien, qu'il faut bien se débrouiller tout de même pour fabriquer des médicaments. Et qui s'en occupe ? La femme, en l'occurrence, Daniel Alexandre Bidon. Alors, c'est le cas, naturellement, c'est le cas un peu tardif pour l'orée du XVIIe siècle, avec le très célèbre théâtre d'agriculture d'Olivier de Serres, ce vivarais admirable, agronome, et qui procédait à maintes expériences. Mais antérieurement, les femmes ont aussi droit de cité dans l'apothicairerie. On leur donne un certain nombre de tâches pour lesquelles on les imagine parfaitement compétentes. C'est le cas notamment dans la cueillette des plantes. Donc, elles connaissent mieux, justement, les plantes, pas seulement les plantes du jardin, mais les plantes sauvages, que les hommes et notamment que les médecins. On voit des médecins au XVe siècle arpenter les terrains alentour de la ville avec leurs servantes pour se faire expliquer les vertus des simples. Et ces femmes-là donc, ont également le droit de distiller. La distillation, qui est pourtant un procédé chimique, entre guillemets, scientifique, est une tâche que l'on voit reléguée aux femmes déjà au XIIIe siècle. Alors ça explique que parfois, dans les fouilles, on est longtemps confondu cuisine et donc apothicairie, parce que dans ces fouilles-là, on se disait, puisque ce sont des fouilles d'une cuisine, on va se dire que c'est donc forcément les femmes s'occupent de la cuisine. Et puis point barre, Daniel Bidon, c'est justement là où l'archéologie vient au secours du savoir et de la connaissance, une connaissance profondément renouvelée, comme on l'explique depuis le début de cette émission, parce que justement on a montré qu'il y avait quelquefois des coins séparés pour pouvoir faire la cuisine et d'autres coins dans lesquels on faisait de l'apothicairie, y compris dans des familles en l'occurrence. Oui, voilà. Et donc au début du XVIIe siècle, Olivier de Serres demande à la mère de famille de prendre en charge les soins de toutes les personnes qui vivent sur le domaine, c'est-à-dire non seulement la famille à proprement parler, la famille proche, mais également les paysans, les fermiers, tous ceux qui travaillent pour le couple dominant. Et on lui propose d'avoir un cabinet d'apothicairerie exactement à l'identique de ce que l'on peut trouver dans une apothicairerie à l'époque, avec des étagères, des tiroirs où tout est parfaitement classé et rangé. Et elle doit, elle aussi, savoir quelles sont les vertus de ces plantes. Et pour ce faire, Olivier de Serres renonce au latin, justement, et passe au vernaculaire, à la langue, au patois ou au français, pour pouvoir expliquer, pour que les femmes comprennent exactement ce dont ils parlent. Alors, ce qui est fort intéressant, c'est qu'effectivement, on est dans un domaine, le médicament, qui est un domaine à la fois qui soigne, mais qui peut être dangereux selon les usages qu'on en fait. Et on a compris très tôt, justement, les dangers de ce médicament. Daniel Alexandre Bidon, comme vous l'expliquez dans votre livre, dans l'atelier de l'apothicaire, on travaille sur la façon dont on va justement mélanger ces simples entre eux, ce qui peut devenir très rapidement un poison, les doses qui ne sont plus supportables par l'être humain. Et donc, il y a un danger de toxique, pourrait-on dire, qui est très vite pensé, réfléchi en matière de médicaments. La toxicité, le souci de la toxicité des médicaments est d'abord passé par le souci de leur efficacité. La première crainte qui a été éprouvée par les soignants et par les édiles dans les villes où ils exerçaient, c'est la crainte du médicament failli, périmé en réalité. Donc la question de la péremption. Voilà. Et d'où l'invention de la péremption, effectivement. Et ensuite vient le poison, et on voit dans les inventaires d'apothicaires qu'avait étudié Françoise Piponnier notamment, que les apothicaires pouvaient avoir dans leur officine une petite armoire fermée à clé, donc pour être sûr que personne ne puisse venir se servir. Donc il y a véritablement une protection du client, mais également volonté d'être efficace, d'être opératoire. Et c'est le médicament même qui est le remède même qui est à la source de tout cela. Alors une question qu'on pourrait se poser et qui va me permettre de faire la transition avec les périodes donc postérieures avec nos deux autres invités, Daniel Alexandre Bidon, c'est qui contrôle ? Qui contrôle ? Alors d'abord des gens du métier. Donc comme souvent dans les métiers, notamment les professions importantes, il y a des règlements de métier qui ont commencé assez tôt en France, par exemple avec Étienne Boileau au XIIIe siècle, et pour d'autres professions plutôt un peu tardivement à la jonction du XVe et du XVIe siècle. Mais en fait assez rapidement, donc déjà dès l'orée du XIVe siècle, dans les villes françaises, dans les villes flamandes, il y a des gens de métier qui sont reconnus comme tels, qui ont prêté serment et qui représentent les édiles de la la ville qui viennent visiter les apothicaires pour examiner justement les produits, vérifier qu'il n'y a pas de produits périmés. Et alors, d'où cette invention de la date de péremption que l'on retrouve dans pas mal d'édits municipaux en 1300, à Ypres, en 1322, à Paris par exemple, pour les médicaments, les confections, donc une fois qu'on a traité les simples et qu'on en a fait des remèdes. Et donc, ces personnes assermentées, généralement au nombre de deux, il faut toujours être deux pour être témoin à l'époque médiévale et encore au-delà, bien sûr, viennent visiter et vérifient les dates portées sur les pots, tout simplement. Et ils font brûler, comme c'est valable aussi pour l'alimentation sur les marchés, ils font brûler les produits périmés pour être sûrs de ne pas empoisonner la clientèle. Dans les pharmacies, on vend du nougat et du chocolat, des bonbons au citron, des stylos, des poupées gentilles pour les petites filles. Et pour les garçons, des lapins qui sont sauteurs et polissons. On vend de tout, des toutes blancs qui se tiennent debout tout tremblants, des arlequins, des quincailleries et tout un lot de quincailleries. Dans les pharmacies, on entend parfois ces tendres secs, garçons, des petits pois, ou un beefsteak, ou des choux farcis. Dans les pharmacies, ces pharmacies-là sont celles du Canada, où l'on prend ses repas, parfois par-ci, par-là. On y vend aussi des pilules, mais sachez que la vente des cachets est un peu cachet. Car ici, ce n'est pas un crime de commander un ice cream où l'on ajoute un peu de soda. Mais les remèdes, on n'en voit pas dans les pharmacies. J'entre par hasard, et le plus bizarre, je n'en sors qu'après 2h15. Les poches gonflées, de pommes soufflées, de rasoir à main, en dur à l'humain, 2000 produits humains. Un phonographe immense et lourd, il joue des chansons d'amour. Et pour 25 cents, on peut entendre un baryton à voix tendre. Les oiseaux sont couchés dans leur nid. Et moi, je... Voilà, Charles Trenet, 1952, dans les pharmacies. Il parlait en l'occurrence plutôt des drugstores à l'américaine, à la nord-américaine. Alors, Sophie Chauveau, vous avez écouté, ainsi que notre autre invité qui est en duplex avec nous depuis Strasbourg, Christian Bonin, vous avez écouté ce que nous disait Daniel-Alexandre Bidon sur cette période, disons, pré-moderne, pourrait-on dire. C'est comme ça qu'on dit généralement. Ça n'aurait pas fait plaisir à notre grand maître Jacques Le Goff, disparu récemment, puisqu'il considérait que lui, c'était le long Moyen-Âge qui allait jusqu'au 18e siècle. En tout cas, cette période donc, du Moyen-Âge, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que spécialiste du médicament moderne et contemporain, en l'occurrence Sophie Chauveau? Tout d'abord, je dirais qu'effectivement, il y a un certain nombre de continuités avec la période la plus récente, en concernant notamment les problèmes de sécurité du médicament, du contrôle, le fait qu'on essaye de réserver également la fabrication du médicament à certaines professions. Ça, je dirais, c'est un petit peu de l'ordre du principe. Et puis après, il y a, je dirais, l'écart avec la réalité, puisque, on le sait, au 19e siècle surtout, et encore en partie au 20e siècle, la réalité est un petit peu différente. On pourrait prendre, par exemple, le problème de contrôle des médicaments. Des médicaments ? Ouais, des médicaments. L'État, en fait, dès le début du 19e siècle, à l'époque napoléonienne, essaye de mettre en place, effectivement, sous l'égide d'une police sanitaire, une surveillance de ces médicaments, une lutte contre ce qu'on appelait à l'époque les charlatans, et en fait aura toutes les peines du monde à faire respecter ces principes si on se réfère tout simplement aux nombreux procès et à la jurisprudence de l'époque, puisqu'en fait jusqu'à la fin du siècle, on aura régulièrement effectivement des plaintes contre ces charlatans qui ne respectent pas la loi de Germinal. Christian Bonin, même question, après avoir écouté donc longuement Daniel-Alexandre Bidon sur ce médicament et cet usage du médicament au 19e siècle, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes co-auteur, entre autres, vous avez dirigé avec Anne Rasmussen, cette histoire et médicaments au 19e et 20e siècle? Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour. Ce que ça m'inspire d'abord, c'est l'idée que je pense que Jacques Le Goff a probablement très bien vu un certain nombre de choses. C'est-à-dire, travaillant actuellement sur la question des consommations, des marchés, du médicament, notamment avec Nils Kessel qui termine une thèse là-dessus, ce qui nous frappe, c'est qu'il y a une espèce de bipolarité qui se construit depuis la fin du 19e siècle entre un médicament tradition ancien et un espèce d'impératif de nouveauté. Oui, c'est-à-dire que Vous travaillez en particulier sur les usages. Ces usages ne sont pas toujours ceux qui sont espérés par l'industrie pharmaceutique naissante au 19e siècle. Et vous expliquez bien, Christian Bonnat, qu'il y a toujours des tensions entre les usages anciens, des médicaments anciens qu'on continue à pratiquer, en même temps qu'on prend des médicaments qui, au fur et à mesure du 19e siècle, deviennent de plus en plus sophistiqués et chimiquement différents en particulier, et qu'il faut évidemment revoir, comme Daniel Alexandre Bidon nous l'a expliqué, entièrement l'histoire de la pharmacie en particulier, qui a souvent été écrite à grands coups d'innovations, de nouveautés, de progrès, entre guillemets, qu'il faut mélanger ces supposés progrès avec tous les échecs de cette industrie pharmaceutique, en particulier au 19e siècle, qui sont très nombreux, Christian Bonnat. Oui, absolument. Je pense qu'on a fait vraiment une histoire très linéaire du progrès du médicament, de l'innovation, qui est un point de vue de certains acteurs qui ont évidemment relu leur propre histoire de cette manière-là. Mais il est tout à fait clair, quand on regarde plutôt du bas, de l'usage des objets d'une certaine matérialité, c'est que un même objet se transforme, est utilisé différemment. Étant à Strasbourg, ce que ça m'évoque, c'est dans la langue germanique, il y a trois termes qui sont utilisés autour de l'utilisation du médicament. Il y a l'idée du Gebrauch, qui est l'usage. Il y a l'idée du Verbrauch, c'est-à-dire de l'utilisation, mais qui épuise. Et des mésusages, qui est le Missbrauch, c'est-à-dire en changeant le préfixe, on tourne autour de cette utilisation et on voit qu'il y a inscrit déjà tout un spectre qui va de la question de la dépendance en passant par la consommation aux usages. Oui, Sophie Chauveau, on voit bien effectivement que les questions sont peut-être posées de la même façon à différentes époques, mais qu'effectivement les acteurs changent. Les acteurs, par exemple, de l'industrie pharmaceutique n'ont pas grand-chose à voir avec les apothicaires médiévaux dont est spécialiste Daniel Alexandre Bidon. L'État aussi, la présence de l'État. On a expliqué combien c'était plutôt les villes qui, au Moyen-Âge, contrôlaient l'usage des médicaments et leur bonne utilisation, et évidemment cette charlatanerie qui est toujours possible, mais évidemment la naissance de l'État moderne change profondément les choses, Sophie Chauveau. Alors je dirais d'abord une première chose, c'est qu'il y a quand même des continuités au sens où, dans le cas français, une grande partie de l'industrie pharmaceutique est née de l'officine. Et donc l'arrivée de nouveaux acteurs, c'est peut-être pas fait de façon aussi spectaculaire que dans d'autres pays d'Europe du Nord-Ouest. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Ensuite, effectivement, du côté de l'État, des pouvoirs publics, on va avoir une évolution en fait des rôles et de cette intervention de l'État qui va progressivement glisser d'une intervention qui est vraiment ce qu'on appelle en 19e siècle une forme de police sanitaire. Donc il s'agit si bien de protéger les populations contre les charlatans, mais c'est aussi une manière d'organiser le marché, hein, de le réserver à certains groupes professionnels plutôt qu'à d'autres. Et ce terme va peu à peu s'effacer au profit d'une intervention qui peut paraître plus complexe, mais qui reste quand même la volonté d'organiser le marché, toujours selon les deux mêmes axiomes, à savoir des enjeux de sécurité et puis progressivement un accès aux soins au fur et à mesure où se déploie en fait une politique d'État-providence, de libéralisation et de facilitation effectivement de l'accès aux soins par un financement collectif. Et donc là, l'intervention sur le marché. Prenons un exemple, Sophie Chauveau, sur lequel vous avez travaillé, entre autres. Prenons l'exemple, par exemple, de ce que l'on dépose, des brevets que l'on peut déposer quand on veut créer un médicament. Il y avait traditionnellement, chez les apothicaires médiévaux, évidemment, des recettes qui étaient protégées ou pas protégées, enfin, en tout cas, qui étaient que certains apothicaires gardaient par devers eux et d'autres qu'ils transmettaient à d'autres apothicaires. Comment ça se passe dans le marché moderne? Est-ce qu'on dit son secret ou est-ce qu'au contraire on le garde pour soi? Est-ce que l'État vient s'immiscer dans ce secret en l'occurrence? Qu'est-ce qui se passe, Sophie Chauveau, au 19e en particulier? Alors au 19e siècle, en fait, le siècle est coupé en deux. Il y a une période qui va aller de 1791 jusqu'en 1844 où les médicaments peuvent être brevetés en application en fait de la première loi donc sur les brevets en France de 1791. Ça veut dire peut être breveté, c'est-à-dire qu'on est obligé de déposer son médicament, sa recette, et donc à partir de ce moment-là, donc on touche des droits, j'imagine, sur son médicament, mais en même temps, on révèle la recette à d'autres. On peut, oui, ça, effectivement, ça rend public la recette. Après, il y a quand même des problèmes de tour de main peuvent limiter quand même les risques d'imitation. Et puis, on peut renforcer le brevet d'un nom de fantaisie, d'un nom de marque qui sera également déposé ultérieurement. Mais ce qui est important, c'est surtout les débats qui vont se déployer autour de la loi de 1844, qui sont très vifs et où on exclut le médicament du brevet au sens, pour des raisons suivantes, c'est-à-dire qu'on considère que le médicament étant un bien d'intérêt général, il était impossible effectivement d'en réserver l'exploitation, la propriété à quelques-uns. Et donc là, les débats vont être extrêmement vifs. L'État va donc effectivement exclure le médicament du brevet, mais je dirais les réflexes des pharmaciens vont être beaucoup plus forts, puisque plutôt que de breveter, ils vont très largement utiliser les marques de fabrique, donc en application d'un autre texte qui date de 1857, et essayer de la sorte de reconstituer une des formes de monopole, et en tout cas, ils les défendront avec beaucoup de virulence, notamment devant les tribunaux. Alors ça, c'est le choix de la France. Il faut savoir que dans d'autres pays, je pense notamment à l'Allemagne, le dispositif des brevets qui va être mis en place à la fin du 19e siècle permettait, dans le cas du médicament, de protéger les procédés plutôt que le produit. Et en fait, c'est révélé extrêmement efficace pour les entreprises de l'industrie pharmaceutique allemande et notamment celles qui sont issues du monde de la chimie pour effectivement garder des monopoles et surtout renforcer leur savoir-faire et se positionner de façon extrêmement compétitive sur le marché. Qu'est-ce que ça vous inspire, France, Daniel-Alexandre Bidon, qu'est-ce que ça vous inspire ce que vient de dire, en tant que médiéviste évidemment, sur une toute autre période, ce que vient de dire Sophie Chauveau sur la période contemporaine? On est effectivement dans une toute autre période, donc on n'a pas d'État souverain qui agit sur l'ensemble d'un royaume. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est quel est le rapport de l'apothicaire au médecin, finalement. Parce que l'apothicaire est censé, à ma période, exécuter une ordonnance, et une ordonnance qui est donnée par un médecin. Parce que le vrai inventeur du remède, finalement, à cette période, et peut-être encore très longtemps, mais jusqu'à quand, je ne sais pas, c'est le médecin. Encore pendant la Première Guerre mondiale, des médecins pouvaient inventer des remèdes, par exemple, pour soigner la grippe espagnole, et l'apothicaire n'était qu'un réalisateur. Alors c'est surtout j'aimerais savoir ce qu'il en est de cette jonction entre le médecin et l'apothicaire. Christian Bonnat, vous voulez répondre sur ce point, puisque vous travaillez sur les usages assez fréquemment justement de ces médicaments et sur les différents acteurs, ceux qui prescrivent, ceux qui fabriquent et ceux qui utilisent les médicaments en tant que patients. Mais je pense qu'on est vraiment à une période, si on prend la fin du 19e siècle, donc la période dont parlait Sophie également, je pense qu'on est à une charnière où en fait la profession de l'apothicaire pharmacien est en train d'évoluer et de changer profondément. C'est-à-dire on voit, et c'est ce que disait Sophie, une part de ces officines de pharmacie va s'orienter vers une industrialisation. Et là, on rejoint la grande histoire de la deuxième révolution industrielle. Et on va y avoir une espèce de double identité du pharmacien qui est à la fois producteur de plus en plus en masse de médicaments et d'objets, et d'autre part, il est celui qui fait la distribution à son échelle. Donc pour reprendre la question, quel est le rapport entre... Donc je pense qu'il y en a deux en fait. Il y a celui du pharmacien qui a un rapport direct avec la prescription médicale. Pour celui qui distribue, je pense qu'il reste pour beaucoup un exécutant. Et puis, il y a cette autre pharmacie qui devient industrie, qui, elle, va profondément modifier son rapport avec le corps médical, avec la profession, à la fois sous forme d'échanges et de circulations multiples, parce qu'il y a une co-construction des savoirs et des objets. On va avoir de plus en plus besoin des médecins pour valider un médicament, pour faire des essais cliniques à partir du XXe siècle, etc. Et c'est vrai que, par exemple, vous l'expliquez bien, Christian Bonnat, dans cet ouvrage Histoire et médicaments au XIXe et XXe siècle, eh bien, une simple question qui nous apparaît tout à fait logique aujourd'hui, c'est-à-dire la question de l'expérimentation humaine au XIXe siècle est largement débattue, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on a le droit même d'expérimenter sur des êtres sains, des médicaments, dans quelles conditions peut-on le faire, quelle est la place de la loi justement dans ce rapport entre ces industriels naissants de la pharmacie et l'État d'un autre côté, et puis les patients ou les citoyens, toutes ces questions-là sont des questions qui sont largement débattues tout au long du 19e siècle, dites-vous, Christian Bonnat. Oui, absolument. Et là aussi, je pense qu'il y a un dédoublement. Tant qu'on est dans une représentation où, en fait, il y a un rapport direct entre un soignant et un malade, Toute tentative qui atteint les limites du savoir va être en fait un dernier geste héroïque pour tenter quelque chose. Donc on essaie un médicament. Mais c'est individuel et le bénéfice ne peut être que celui à qui est adressée cette substance. Absolument. Alors que ce qui va se modifier ensuite, c'est avec la massification, apparaîtra l'idée qu'on va pouvoir étudier d'abord sur des animaux, ensuite sur d'autres êtres humains que ceux qui vont être soignés avec, ce qui est la base des essais aujourd'hui, des médicaments, mais où il n'y a aucun bénéfice pour la personne qui aura comme première administration ces médicaments. Mmh. Et donc se pose la question d'une expérimentation en sens fort, dans le sens où il n'y a pas de bénéfice direct, mais un bénéfice pour d'autres plus tard, pour la société, etc. Sophie Chauveau, on voit bien effectivement que la question de l'échelle, à partir du 19e siècle et du 20e siècle évidemment, l'échelle de cet usage médicamenteux, cet usage des médicaments, est quelque chose de considérable qui change peut-être par rapport à ce que décrit Daniel-Alexandre Binon dans son travail sur les apothicaires médiévaux. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la même échelle, on est dans une échelle mondiale, une massification, un usage très dispersé justement de ces médicaments, et ça change considérablement les choses. Alors, ça change considérablement les choses, déjà en termes d'organisation du marché, de distribution même des médicaments. On peut penser, par exemple, à l'apparition à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, de nouveaux métiers. Je pense notamment à ceux des répartiteurs qui se sont, par exemple, en France, d'abord organisés à l'échelle régionale avant ensuite de se rassembler et de donner naissance donc, aux deux grands offices que l'on connaît à l'heure actuelle à l'échelle du pays. Et puis, parallèlement à cela, effectivement, il y a le passé à un stade qu'on va qualifier entre guillemets d'industriel, effectivement, de la production de ces médicaments. Alors quand je dis entre guillemets, il faut bien voir que un certain nombre de ces premières entreprises industrielles du médicament, notamment en France dans l'entre-deux-guerres, restent quand même des petites et moyennes entreprises. Oui. Hein, rares sont celles qui dépassaient la centaine de salariés. Elles ont également mondiales d'aujourd'hui. Voilà. Elles ont également pour particularité d'embaucher énormément de femmes à la préparation des médicaments et au conditionnement. Et en fait, on a un travail dans ces entreprises qui est très fortement genré, si vous voulez, hein, puisque les tâches d'exécution, de manipulation sont plutôt effectuées par des femmes, ou toutes les tâches qui sont extrêmement répétitives en termes de contrôle, par exemple. Hein. Et puis, on trouvera effectivement aux échelles intermédiaires, dans les activités d'encadrement, une population masculine plus importante. Et puis l'autre, il y a cet aspect-là, donc effectivement de changement d'échelle en termes de production. Et puis l'autre particularité également, c'est le rapport effectivement avec le corps médical. Donc Christian l'évoquait par rapport à l'expérimentation, mais il faut savoir que quand on regarde les débuts de ces entreprises, notamment en France, on a un certain nombre de cas où certains médecins sont associés à des pharmaciens, ou bien ils vont s'appuyer éventuellement sur des réseaux de camaraderie, d'amitié qui ont été noués au cours de leurs études pour effectivement développer, essayer ces premiers médicaments. Enfin, un dernier aspect de la massification, j'ai dû même d'ailleurs commencer par cela, c'est le rôle joué par la réclame et la publicité pharmaceutique. Hein, il faut savoir que ça a été pour la presse, notamment en France, dès le milieu du 19e siècle, une des principales ressources financières. Et la plupart des fabricants de médicaments, qu'ils aient un tout petit marché ou qu'ils essayent de se diffuser à l'échelle nationale, ont très largement recours à cette réclame pharmaceutique. Et après, dans l'entre-deux-guerres, au-delà de la presse, ils vont commencer à utiliser les nouveaux médias, je pense notamment à la radio. Tout près de Paris, place de la mairie, y a un pharmacien de première classe. C'est l'enfant chéri des dames du pays qui murmure en lui faisant des grâces. Joli pharmacien, vendez-nous vos cachets, vos pilules. Je ne me sens pas bien, je voudrais des pastilles qui stimulent. Depuis 4 jours, j'ai mal à l'estomac. Mon arrière-grand-père a un peu d'eczéma. Moi, j'ai attrapé une crampe au cinéma. Mon oncle Victor est tombé dans le coma. Joli pharmacien, d'où me vient ce bouton ridicule? Joli pharmacien, comprends donc ce que nous voulons. Ce n'est pas dans tes bocaux qu'est le remède à nos maux. Joli pharmacien, tu souris, nous voilà guéris. À tous ces discours, comment rester sourd? Pauvre pharmacien, tu n'étais pas de glace. Successivement, il devint l'amant de toutes ses clientes, mais un beau jour, hélas. Le joli pharmacien dut se bourrer de cachets, de pilules. Il dut s'empiffrer de pastilles orientales qui stimulent. L'amour lui faisait très mal à l'estomac. Le moindre baiser lui donnait de l'eczéma. À chaque pas, il fallait qu'on le ranimât. Dès qu'on l'embrassait, il tombait dans le coma. Alors à Priville, il vendit sa pharmacie chérie. Et puis il partit en laissant un vieux remplaçant. Mais c'est curieux, curieux, depuis ce temps-là, dans la boutique plus un chat. C'est que le remplaçant, tout bonnement, à 76 ans, 76 ans. Voilà, l'âge ne fait rien à l'affaire, dit-on, mais là, visiblement, c'est le cas. Donc, c'est Jean Sablon, le joli pharmacien, c'était en 1933. Un des points sur lesquels vous insistez, Christian Bonin, vous êtes en duplex avec nous depuis Strasbourg, alors que nous sommes en direct depuis l'hôpital Saint-Louis à Paris avec une de nos invitées, donc Daniel Alexandre Bidon. Un des points sur lesquels vous insistez, c'est sur les échecs. Vous dites en fait, on ne travaille pas suffisamment sur la question de l'échec en pharmacie, l'échec donc dans le domaine du médicament, et sur ce long 19e siècle, et même 20e pourrait-on dire, qui a vu beaucoup d'échecs après beaucoup d'engouement. Et vous expliquez justement, on parlait à l'instant même avec Sophie, donc de cette question de Sophie Chauveau, cette question de la publicité, que le rapport à l'opinion est extrêmement important, c'est-à-dire l'envie, l'engouement pour un nouveau médicament, et puis ensuite l'orientation vers l'idée que peut-être ce médicament peut être dangereux et la désaffection vis-à-vis de ce médicament, Christian Bonin. Oui, effectivement, je pense que dans l'histoire un peu héroïque de ces médicaments qui fonctionnent, qui représentent l'innovation, on a, à mon sens, souvent tendance à négliger un peu tous les périodes, les périples et même la fragilité, je dirais même, de ce que représente un médicament qui marche et qui arrive au marché, c'est-à-dire un médicament qui peut être déstabilisé par plein de petites choses le long de sa conception, qui est longue, et qui peut, d'un jour à l'autre, renverser complètement son existence. Alors, le plus visible, c'est quand on prend les grands scandales du médicament au XXe siècle, on voit qu'en quelques mois, 10 ans de recherche basculent, parce qu'il y a quelque chose qui a apparu qui fait que l'utilisation n'est plus concevable par le public et par... Oui, et puis ce week-end, dans le Monde, Pierre Barthélémy, dans sa rubrique sur les sciences, expliquait qu'un article récent paru dans une revue savante américaine expliquait qu'on arrivait très bien à guérir les souris, mais que 80% de ce qui guérissait les souris, qui passait ensuite au stade de l'expérimentation humaine, n'avait pas d'effet sur les hommes, et qu'on finissait par très bien guérir les souris, puisque effectivement les essais cliniques sur les souris étaient parfaits, mais qu'évidemment la transposition à l'homme était très différente. Sophie Chauveau, toutes ces questions d'échelle, toutes ces questions d'argent aussi qui sont liées à ce marché de médicaments, c'est-à-dire le coût de la recherche, la façon dont on le met sur le marché, les contrôles qui vont avec, sont des questions qui sont essentielles au fur et à mesure qu'on avance dans le XXe siècle. Oui, de plus en plus. Elles se sont vraiment posées, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, même si, en fait, déjà dans l'entre-deux-guerres, il y a un certain nombre de prémices, effectivement, à la fois en termes, un petit peu de formalisation de la démarche de recherche et qui conduit, effectivement, de l'identification d'un principe actif à la conception d'un médicament, et une action, effectivement, d'État pour s'assurer... On essaye un petit peu de faire les choses dans le respect, du moins de la clientèle, ou disons en s'efforçant de mettre sur le marché des produits qui pourraient être au moins inoffensif, à défaut d'être efficace. Ouais. Et donc là, on a des exemples de premières réglementations aux États-Unis dans les années 30 et puis en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a effectivement cette volonté de contrôle du médicament qui représente effectivement pour les entreprises des coûts de plus en plus importants. Contrairement toutefois à ce qu'on s'imagine souvent, on peut avoir une vision un petit peu naïve hein, en se disant finalement les industriels de la pharmacie sont extrêmement soucieux de proposer des innovations thérapeutiques et innovent considérablement et dépensent beaucoup pour la recherche-développement. On s'aperçoit que très tôt, dès les années 40-50, la démarche et les orientations de la recherche sont très fortement guidées par ce que l'on pense nécessaire de mettre sur le marché et donc là où on sait que forcément on va trouver des patients, des médecins pour utiliser ces médicaments. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément dans l'intérêt ou dans le sens de la santé publique, de l'amélioration de l'état de santé des populations. On prend également en considération l'existence de marchés et d'attentes très très fortes de la part du public. Alors ça a été bien étudié notamment sur les marchés anglo-saxons, je pense notamment en Angleterre, dans une moindre mesure aux États-Unis. En France, même si on peut démontrer, je dirais, par d'autres biais que cette orientation de la recherche en fonction du marché réel, on manque un petit peu des éléments, si vous voulez, du point de vue archives, données, etc., qui permettent d'étayer de façon assez solide ce type d'hypothèse, même si on est à peu près convaincu qu'un certain nombre de laboratoires ont fonctionné de cette manière-là dès les années 60. Oui, d'ailleurs, vous expliquez dans un livre collectif dans lequel vous avez signé un chapitre consacré justement aux médicaments qui s'appelle « Au nom du consommateur » dirigé par Alain Chatriot, Marie-Emmanuelle Chessel et Matthew Hilton à la découverte. Vous expliquez effectivement qu'on ne sait plus très bien à partir d'un certain moment si on est malade ou si on est consommateur, c'est-à-dire le mélange, pourrait-on dire, entre marché, donc marché potentiel, parapharmacie, etc., va complètement changer la vision qu'on peut avoir du médicament, Sophie Chauveau. Disons que ce qui s'affirme de plus en plus, je dirais, en termes de préoccupation, c'est une aspiration également au bien-être de la part des populations qui va rencontrer au même moment un discours qui va être produit notamment par le corps médical et par les pharmaciens qui consiste un petit peu à médicaliser effectivement des problèmes qui ne sont peut-être pas forcément des problèmes de santé. Alors, les exemples les plus connus, effectivement, ce sont souvent des problèmes liés à des états dépressifs. Ça peut être aussi des problèmes liés, je dirais globalement, au poids et à des exigences peut-être d'ordre plus esthétique. Et plus largement aujourd'hui, on peut le dire, une quête de performance et qui, effectivement, génère des créneaux de marché extrêmement importants sur lesquels peuvent s'engouffrer les populations. Bien sûr, dans les pays, je dirais, industrialisés où les gens ont largement les moyens d'acheter ce type de traitement, quoi. Et on a effectivement une confusion croissante effectivement entre ce qui pourrait être un état pathologique et puis ce que je disais tout à l'heure, ce qui relève davantage du bien-être. C'est concurrencé en plus par des discours, je dirais, beaucoup plus individualistes, par une idéologie un petit peu rampante qui consiste en gros à dire aux gens, vous devez prendre vous-même en charge votre santé, votre état de bien-être. Et tout ceci concourt effectivement à l'émergence de cette figure du consommateur en termes d'acquisition de médicaments. Alors, on le voit là, mais il faut également savoir qu'il y a d'autres choses qui ont été notamment étudiées par la sociologie, par l'anthropologie, et qui relèvent effectivement de cet usage du médicament, le fait que même après une prescription, l'individu va choisir de prendre ses médicaments de telle ou telle manière, de respecter ou pas la règle de l'ordonnance, ce qu'on appelle effectivement... Il suffit parfois d'aller chez le médecin, de récupérer les médicaments, et on est guéri, donc on n'a pas besoin de les prendre à partir de ce moment-là. Voilà. Non, mais c'est ce qu'on appelle la compliance, et qui intéresse beaucoup les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'effectivement, ça peut donner des idées sur la manière dont on va présenter le médicament, ou même les produits qu'il conviendrait de commercialiser. Oui, et Christian Bonin, vous insistez beaucoup, là aussi, dans votre travail en commun avec Anne Rasmussen, sur l'idée qu'il faut travailler en tant qu'historien ou historien des sciences sur les forces qui orientent le mouvement, justement, de consommation du médicament. Et que ces forces ne sont pas simplement d'en haut, viennent d'en haut, mais elles viennent aussi d'en bas, qu'il y a des envies, des désirs d'une société individuelle ou collectif qui oriente effectivement le mouvement et les usages des médicaments. Oui, absolument. Et je rajouterai un peu quelque chose par rapport à ce que vient de dire Sophie à ce sujet. Il me semble que, travaillant actuellement, encore une fois, avec Niels Kessel sur une source qui est extrêmement intéressante et originale, qui sont les premières études de marché de la consommation du médicament qui apparaissent à la fin des années 50 sur les marchés européens et nord-américains. Mmh. C'est-à-dire, en gros, il y a des boîtes privées qui s'établissent progressivement, qui s'appellent l'Institut de statistiques médicales, qui vont faire des relevés très détaillés, ce qui passe sur un comptoir de pharmacie. Mmh. Ces informations sont construites, évidemment, pour les vendre dans l'industrie pharmaceutique. Et donc là, on est parfaitement dans ce que disait Sophie, c'est-à-dire pour mieux comprendre comment, qui consomme quoi, comment positionner des nouveaux produits, etc. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on analyse ces données, on les a obtenues de manière sérielle pour l'Allemagne, qui est le premier pays où ça va vraiment se faire sous cette forme-là. Ce qu'on voit, c'est que quelque part, même les historiens actuels, dans cette histoire innovation, avec une critique qui arrive ensuite sous forme de médicalisation ou de médicamentalisation des rapports, ce qu'on voit, c'est que la grande révolution des psychotropes, quand on prend en 1966, qui passe sur un comptoir de pharmacie en Allemagne, ça fait 3%. Les laxatifs, c'est 4% du marché global de ce pays. Donc on a cette opposition entre l'innovation, une certaine histoire, et ce que demandent les personnes qui vont dans une pharmacie et qui achètent, en termes de boîtes, plus de laxatifs que de psychotropes. Vous voulez dire qu'en fait, quand on fait une histoire médicale, quand on fait une histoire de l'innovation, pourrait-on dire, on a tendance à insister toujours sur ce qui est neuf, sur la révolution en cours, et qu'il faudrait travailler sur les pratiques, effectivement, qui sont très différentes de cette innovation. C'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on invente de nouveaux médicaments, donc une classe de psychotropes, par exemple, que c'est là-dessus que tous les consommateurs vont se jeter immédiatement. Ils vont utiliser des choses qui, évidemment, ne correspondent pas du tout à cet usage-là. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une part de discernement, il y a une part de distance aussi par rapport à ce discours-là, et je pense que nous, historiens, pour une partie, nous avons aussi été influencés par 50 ans de rhétorique industrielle pharmaceutique sur l'innovation. Et quand on reprend des données comme celles que je viens d'évoquer, on constate qu'il y a un vrai choc de l'ancien, dans le sens avec quoi on avait commencé, c'est-à-dire une longue persistance d'une tradition, d'un médicament fait de tradition qui est réputé parce que ça fait longtemps qu'il est là et que voilà. Et qu'on l'utilise encore alors que d'une certaine façon, on n'est pas sûr de ses qualités médicamenteuses. Sophie Chauveau, vous voulez réagir sur ce point ? Moi, je partage effectivement assez largement le jugement de Christian et je le conforterai même par d'autres données, alors qu'ils ne sont pas celles de l'Institut dont il parle, mais celles des centres d'études des pratiques de consommation, donc Credoc puis Credes dans les années 70-80, qui mettaient également en évidence, alors là on travaillait essentiellement sur des prescriptions et sur ce qui était pris ensuite en charge par la Sécurité sociale, mais où on voyait effectivement très largement que ce qui était le plus consommé, enfin pas forcément le plus consommé, le plus prescrit, le plus remboursé, parce qu'après je ne sais pas ce qui se passe chez les gens, ce sont effectivement tous ces traitements qui sont liés à des affections saisonnières, donc le rhume, la grippe, la bronchite, certaines maladies infantiles. Et on voit arriver effectivement plutôt à la marge, ou disons moins représentés effectivement, tous ces traitements qui relevaient effectivement plus de problèmes de comportement pour les insomnies ou effectivement des états dépressifs. Donc ça se confirme assez largement. Et comment dire, comment parler en tant qu'historien ou historienne de ce retour à d'autres modes, à ces modes justement médiévales du médicament parfois, c'est-à-dire l'idée que, eh bien, on se soignerait mieux si on revenait à des recettes plus anciennes et en se passant justement de cette industrie pharmaceutique. On travaille là-dessus en tant qu'historien ou historienne, Sophie Chauveau, ou pas du tout? Les recettes dites de garde de Bingen deviennent-elles un succès pour nos contemporains, par exemple? Moi, je ne sais pas si les historiens travaillent vraiment dessus. Je pense qu'on est plus sur les pratiques hein, que vraiment sur ces contenus de médicaments. Non, sur les pratiques, c'est-à-dire sur le retour à la mode de ces médicaments qui, d'une certaine façon, romprait avec cette idée d'un progrès continu, des innovations, etc., en disant qu'il faut revenir à un autre type de médecine. En tant qu'historien, pas tellement pour l'instant, il me semble. Je ne sais pas ce qu'en pense Christian. Hein. Et Christian Bonnat, vous êtes là-dessus. Il y a quelqu'un qui travaille sur cette autre façon de consommer des médicaments? Il y a quelques petits travaux, mais je pense qu'on n'y travaille absolument pas suffisamment. Un petit élément par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Quand on prend dans ces statistiques, on a la liste des top 20 médicaments vendus au milieu des années 60. Mmh. On y trouve en numéro 2 le Valium, donc on est bien dans la révolution innovation, mais on trouve dans les top 20 trois médicaments du type Esprit Sainte-Cloître, produit par des bonnes sœurs qui font le numéro 19. La jouvence de la souris ou des choses comme ça, c'est ce que vous voulez dire. Absolument. Et qui est parmi les 20 médicaments les plus débités dans une pharmacie à l'époque. Donc on voit bien que là, il y a une espèce de point aveugle sur lequel les historiens, à mon sens, n'ont pas assez travaillé. Daniel-Alexandre Bidon. C'est la publicité due à l'antiquité d'un soin ou d'un produit alimentaire. D'ailleurs, la bière faite depuis 1279 dans telle abbaye. Alors pourquoi pas l'eau des Carmes, hein, oui. qui a eu un immense succès et qui pourrait reprendre. Et sur le retour à la mode d'Hildegard de Bingen. Les plantes, mais encore faut-il se méfier. Ce goût terrible pour les essences, donc, qui sont parfois très toxiques de plantes, ne sont pas maîtrisables. Il ne faut pas trop conseiller, je pense, aux utilisateurs d'y aller sans conseil vraiment judicieux. Et sinon, s'ils connaissaient C'est comme faire la cuisine médiévale aujourd'hui. Ça, c'est pas dangereux de faire la cuisine médiévale. Mais cuisiner avec des plantes ou faire des remèdes soi-même, oui, ça, c'est dangereux, il faut bien le souligner. Et si seulement nos contemporains savaient ce qu'il y avait d'autre que des plantes dans les remèdes médiévaux, par exemple, de la fiente de tel ou tel animal, ou de l'urine, par exemple, encore, je crois qu'ils renonceraient à ce goût pour l'ancien, qui est tout de même très, très peu proche de nos sensibilités. Mais on mangeait aussi de l'or. Pourquoi ne pas remettre des paillettes d'or dans les médicaments? Ça serait certainement un succès fou. Merci à vous, donc Daniel-Alexandre Bridon, d'être venu ici à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, pour ces émissions en direct de notre journée spéciale santé dans l'atelier de l'apothicaire Histoire et archéologie des pots de pharmacie 16e siècle. C'est signé par vous, Daniel-Alexandre Bridon, chez Picard. On peut lire Au nom du consommateur, dans lequel on trouvera un travail de Sophie Chauveau. C'est à la découverte Histoire et médicaments au 19e et 20e siècle. C'est aux éditions Glyph, co-dirigé par Christian Bonnat, notre invité, et Anne Rasmussen. Et on peut trouver aussi de Sophie Chauveau, aux belles lettres, son travail sur l'affaire du sang contaminé, et puis également sa thèse sur l'invention pharmaceutique publiée en 1999 aux empêcheurs de penser en rond. Merci encore à tous les trois d'être venus pour cette émission spéciale autour du marché du médicament dans notre semaine sur le marché. Nous continuons demain en nous promenant dans un vieux marché parisien, médiéval lui aussi, le Carreau du Temple. C'est la balade de demain dans l'émission. Aujourd'hui, l'équipe technique était composée de Bernard Quentin, Gilles Manet et Rémi Gouriou, que nous remercions. À la communication, Virginie Noël, Adeline Béving, et à la réalisation, Séverine Cassard.